peu de chance, le triste vie pour ceux qui sont proches, la street est pas de chantilly. Fatigue et déception se mélange en bric à brac, foutaise. Le mousse me vient quand la machine afrique est en panne. Dans la vodka russe, ça c'est pour ma muse, rien ne m'amuse d'être. Coup de blues et musique reste mes muses, mec. Pour mes pouces, pas de muselière. Gueule et mousse de lait, se cesse ma sauce du plaid, c'est mon mausolée. Maigre salaire pour un aussi gros loyer, merde, rien ne s'allège, je vous la mets à l'envers, rien de royal. Là c'est tragique et la noyade, on n'a pas de bouée. Nos gars sont en marge et là se couche pour les bouter. Sur ma route, je croise mes anciens avec des rhumatismes. Dégoûté de voir des petits bourges dire, mec, moi la rhume attire. Rien ne m'étonne, encore moins le manque de tendresse. Tendu sont les temps quand le vice tourne autour de tendresse. On fait notre route, prise de risque et prise de bruit. Je rallume mon spiff de shit et je tape ma piste de nuit. La street me suit, type se pique, les petits actifs. Ok, piste de vie, ouais, quoi faire pleurer, prise de vie. On fait notre route, prise de risque et prise de bruit. Je rallume mon spiff de shit et je tape ma piste de nuit. La street me suit, type se pique, les petits actifs. Ok, piste de vie, ouais, quoi faire pleurer, prise de vie. Ok, allumer le satellite, marécage street, ma planète. Ma russe parfume à la vue et à la bouffe albanaise. Je pars au d'un plein palais, j'fais ma life sans planning. Infrarouge, ou carnage dans la nuit. Y'a des casacs dans ma street, c'est speed, des scratch, des primes. J'essaye d'être riche, c'est le stress. J'écris des decks, j'suis écrit, c'est vrai. Une équipe d'équerre, même les petits s'énervent. C'est pas cuit, c'est dead. Bon, reste au positif, en fait, non, j'en bats les couilles. Moi, j'fais pas de politique. J'bande sur les yebis et le boule à Alba. Mélange 07 de bœufs avec un petit bout de malvague. Une génération mal barrée, un plat de pâte, un cutter. Un malco, une patate, fin de Barça et des gunners. À la recherche du bonheur, la malchance part. Ça, c'est pour Philippe et Dim, faut qu'on se parte d'ici. On fait notre route, prise de risque et piste de oui. Je rallume mon spiff de shit et je tape ma piste de oui. La street me suit, type se pique, les petits te kick. Ok, piste de oui, ouais, quoi faire pleurer, prise de mi. On fait notre route, prise de risque et piste de oui. Je rallume mon spiff de shit et je tape ma piste de oui. La street me suit, type se pique, les petits te kick. Ok, piste de oui, ouais, quoi faire pleurer, prise de mi. Et recrute, non, non, non, nous n'avons plus ou quoi si, si. Recrute Dem souffle. Ah. Debout, debout. Ah, recrue Dem. Ah, t'es un bon toi, hein. Toujours sur des buts posés. Le mec, il a de réflexion posée. Ah, mon pote, je kiffe Dem. Monsieur Bull, frère, wouh.